Alors, il se mit à divaguer, protestant de son innocence. C'était une méprise, un hasard, une de ces choses inexplicables comme il en arrive. On ne devait pas condamner les gens sur de simples soupçons, des indices vagues. Et il cita l'exemple de l'infortuné Le Surple. Enfin, j'affirme que tu te trompes. Veux-tu que je t'en jure ma parole? Ce n'est point la peine. Pourquoi? Elle le regarda en face, sans rien dire, puis allongea la main, prit le coffret d'argent sur la cheminée et lui tendit une facture grande ouverte. Arnoux rougit jusqu'aux oreilles et ses traits décomposés s'enflèrent. Eh bien? Mais, répondit-il lentement, qu'est-ce que ça prouve? Ah! Fit-elle avec une intonation de voix singulière où il y avait de la douleur et de l'ironie. Ah! Arnoux gardait la note entre ses mains et la retournait, n'en détachant pas les yeux comme s'il avait dû y découvrir la solution d'un grand problème. Oh oui, je me rappelle, dit-il enfin, c'est une commission. Vous devez savoir cela, vous, Frédéric. Frédéric se taisait. Une commission dont j'étais chargé par le père Oudry. Et pour qui? Pour sa maîtresse. Pour la vôtre, s'écria madame Arnoux, se levant tout au droit. Je te jure, ne recommencez pas, je sais tout. Ah, très bien. Ainsi on m'espionne. Elle répliqua froidement. Cela blesse peut-être votre délicatesse. Du moment qu'on s'emporte, reprit Arnoux, en cherchant son chapeau, et qu'il n'y a pas moyen de raisonner. Puis, avec un grand soupir, ne vous mariez pas, mon pauvre ami. Non, croyez-moi. Et il décampa, ayant besoin de prendre l'air.